Eh bien, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'RQC 95 FM. Bonsoir, Slasher. Bonsoir, Scream. En forme, oula, t'es un petit peu enroué, là, Slasher, aujourd'hui. Ouais, et toi, ça va? Ça va, en forme, passe un bon week-end. Ouais, ouais, super, et toi? Ouais, il fait bon en plus, alors voilà quoi, c'est ouais, bien il fait quoi. Chaud. Et voilà. Alors aujourd'hui, ben, un gros programme assez chargé, beaucoup de nouveautés. Oui. Et aux alentours de 20h15, on aura bien entendu les Stolen Memories. En interview. En interview, voilà. On retrouvera bien entendu aussi la Slasher Song, oui. La balade Crapouloche, et aussi, même si Sylvain n'est pas là, on lui fait un petit coucou, oui. Et elle aura aussi, elle a choisi un titre qu'on vous jouera tout à l'heure. Et oui. Voilà, donc on poursuit cette programmation musicale, on va commencer cette programmation musicale avec un titre tout simplement qui s'appelle Ancient Empire avec Dark Before the Dawn. Vous êtes bien branchés sur... RQC 95 FM. Voilà, c'est parti, les amis. We'll be right back. Eh ben, c'est pas mal du tout, hein. Ancient Empire, Dark Before the Dawn. L'album s'appelle Other World. C'est une petite nouveauté et ça fait du bien. Oui. Alors, très très très bonne petite nouveauté. On a écouté dans le bureau roulant, hein, comme on peut dire. Hein, maintenant. Notre voiture. Voilà, notre voiture. Bah oui. Bientôt, on aura peut-être un bureau volant. On ne sait jamais si nous gagnons à l'Euromillion. Pourquoi pas. C'est le nouvel album des Galactic Cowboys. On attendait ça depuis quelques années. Il est là, oui. Il est là. Il est tout frais, il est tout chaud. L'album s'appelle Long Way Back to the Moon. D'ailleurs, ça veut tout dire, hein. Voilà, on a des sons un peu stoner, comme tu me faisais, tu me disais tout à l'heure. Hein. Et là, on va s'écouter le titre qui ouvre l'album, qui s'appelle tout simplement In the Clouds des Galactic Cowboys. C'est tout de suite, c'est maintenant. Vous êtes bien branchés sur Arcus 95 FM, sur Riff d'Enfer. pas mal du tout quand même, les Galactic Cowboys. Hein, voilà. Bien entendu, c'était le titre In the Cloud. Alors, d'ici quelques secondes, on va avoir Antoine au bout du fil, donc des Stolen Memories. Allô? Oui, allô? Bonsoir Antoine, tu vas bien? Bonsoir, ça va et toi? Ouais. Donc voilà, nous avons donc Antoine des Stolen Memories qui nous fait le plaisir de nous appeler pour une interview. Donc pour leur nouveau, on va parler un peu de votre bébé qui vient de sortir, qui s'appelle Paradox. C'est ça, ouais, qui va bientôt sortir, ouais. Ouais. Et bah, moi, quand je dis qu'il est sorti, c'est parce qu'on a eu l'occasion de l'avoir longtemps à l'avance. Et d'ailleurs, je remercie les maisons de disques de nous faire confiance et justement de pouvoir en faire la promo de votre album. Donc, carrément. Alors, la première chose qu'on va faire éventuellement, c'est déjà de présenter un peu Stolen Memories, de quelle région vous venez, tu fais quoi dans le groupe. Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bah alors, donc Stolen Memories, on est un groupe de metal progressif de la région lyonnaise, et ça va faire environ 10 ans qu'on existe maintenant. Là, on va sortir notre troisième et nouvel album qui s'appelle Paradox, le 27 octobre exactement, avec le label Do It Agency. Et donc moi, en l'occurrence, je suis le batteur du groupe et choriste, et accessoirement. D'accord, tu es le cogneur, quoi, le tueur de peau, on va dire. C'est moi qui tape trop fort en répétition, voire même en concert. Mm-hmm. C'est souvent moi qu'on crie dessus. Moi, ayant vécu aussi le problème de groupe, généralement, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est les batteurs, généralement, les éléments les plus perturbateurs quand on est en répétition, parce que vous tapez tout le temps sur la batterie, le temps qu'on cherche des idées, des choses comme ça, quoi. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Donc le guitariste, il peut couper son son et faire ses gammes. Si moi, je me mets à faire mes gammes, entre guillemets, ouais, tout le monde entend, tout le monde en profite. Ouais. C'est vrai. Mais bon, j'essaie de faire attention quand même. Ça fait longtemps que je fais ça, donc maintenant... Ouais. J'ai l'habitude, on va dire. Alors voilà, donc déjà pourquoi ce nom Stolen Memories de nom de groupe déjà? Alors c'est un vieux brainstorming qu'on a eu donc il y a environ 10 ans, comme je te disais. Hein. Mm-hmm. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de symbolique particulière. La sonorité sonne bien. Il y a un petit côté un petit peu ésotérique dans l'esprit, voilà, le côté un peu voleur de rêve, voleur d'esprit, voleur de mémoire, donc Stolen Memories, quoi. C'était une association d'idées, c'est venu un peu comme ça, à force de sortir des idées de noms, pourquoi, machin. Il n'y a pas une très grosse symbolique bien plus forte que ça, hein, pour être tout à fait franc. D'accord. Votre album, il s'appelle Le Paradoxe. Généralement, dans le répertoire, dans le milieu du rock, du métal progressif, on a toujours tendance à vouloir avoir des albums, avec des fils conducteurs, des albums concept. Okay. Est-ce que, justement, cet album Paradox est un album concept? En fait, le concept du Paradox, c'est un petit peu l'historique de la conception et de la mise en place de l'album. Pas tant dans les textes, tu vois. C'est plus comment on a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure, parce qu'on avait fait un petit break après le deuxième album, il se passait plus grand chose pour nous, on n'avait pas eu forcément les attentes qu'on espérait, donc on a pris du temps, on s'est posé un peu, on a un peu fait chacun notre côté d'autre chose, puis on s'est retrouvé, Baptiste, le guitariste et compositeur, nous a rappelé en nous disant « Bon les gars, j'ai de la nouvelle matière, on va se relancer ». Et en fait, le thème paradoxal, c'est un peu l'histoire de notre groupe, c'est qu'on a souvent eu, voilà, cette notion d'avoir de la bonne matière, de la bonne musique sous le coude, on aime ce qu'on fait, on est des passionnés, tout ce temps qu'on est. Lui, niveau composition, il se déchire, il met toute son âme, toutes ses tripes. Et puis pourtant, derrière, tu vois, bah, un album, deux albums, mais il n'y avait pas grand-chose de plus, quoi. On n'arrivait pas beaucoup à sortir de notre salle de répétition, on va dire, à part quelques concerts par-ci, par-là. Donc c'était un peu paradoxal pour nous, on se disait, merde, qu'est-ce qu'on fait mal, qu'est-ce qu'on fait trop ou pas assez, on sait pas. Donc on est parti un peu de ce délire-là, c'est pour ça que le titre est sorti, Paradox. Après, dans les textes de l'album, certains titres ont un aspect un peu paradoxal dans leur, on va dire, dans l'histoire du morceau en lui-même, mais il n'y a pas de lien, en fait. Chaque morceau a sa propre histoire, il n'y a pas de concept de A à Z. Justement, donc, est-ce que tu ne crois pas, quand je t'entends un petit peu, dire bah, c'est dur quand même de sortir de son local de répète, de faire quelques petits concerts ou quoi, est-ce que tu ne crois pas aussi que c'est dû... Le progressif, même moi, si je suis féru, j'adore le métal progressif, que le public est, n'est pas aussi nombreux que le metalcore et tout ça, et c'est peut-être pour ça que c'est peut-être un petit peu difficile aussi de faire son petit bonhomme de chemin. Je prends même un exemple, on va vraiment prendre un exemple extrême. Quand tu vas par exemple voir un concert de Dream Theater, où tu as la moitié du public, tu vois les mecs qui sont les bras croisés, ils attendent qu'une chose, qu'il y en ait un des membres qui se prenne un pain sur scène pour dire ah, t'as vu, je fais de la musique, j'ai entendu son pain. D'autres qui sont là pour d'autres qui sont là pour s'éclater, quoi. Justement, est-ce que c'est pas aussi dû au public qui est très très très exigeant dans la musique prog? Ouais, c'est vrai. En fait, c'est ça, on va dire, c'est un problème dans ce style de musique. Moi, c'est la chose qui m'agace le plus dans le progressif, que ce soit rock ou metal, hein. C'est justement ce côté un petit peu puriste, ce côté trop examinateur de la technique, comme tu disais, qui vont attendre que John Petrucci fasse son petit pain, son petit couac à la guitare, alors que pendant 3 heures, il est parfait le reste du temps. Dire bon, ça, moi, personnellement, je m'en tape. J'ai pas de la musique pour ça, et je vais pas voir des musiciens pour voir leurs défauts. Je vais voir ce qu'ils ont à me proposer. Donc c'est vrai que c'est un peu pénible quand tu fais du progressif d'avoir ce genre de public. Heureusement, c'est pas non plus une majorité. Il y en a qui vont juste aimer l'ouverture d'esprit du genre, le fait de pouvoir mélanger différents styles tout en gardant une base métal. Nous, avec Paradox, on a justement essayé de, dans la continuité des autres, de rester quand même métal, voire même bien assumé, mais d'assumer en même temps le côté progressif à fond, sans barrière. On va dire notre idée principale qu'on voulait garder pour tous les titres, c'était quand même que ça soit accrocheur. Donc justement, il n'y a pas trop ce côté morceau de 10 minutes où chacun fait son petit solo, où le public est trop le temps justement de tomber dans l'analyse et dans la surenchère et tout. C'est pas ce qui nous intéressait. Donc pour le coup, voilà, moi je préfère faire un prog vraiment accessible, vraiment entre guillemets tout public, plutôt qu'un prog de puriste, quoi. Justement, tu parles et on parle depuis tout à l'heure de métal progressif, hein. Là, j'ai par exemple une question en direct parce qu'on passe aussi sur le net. Je fais un petit coucou à nos auditeurs qui nous écoutent sur le net. Et là, je fais un petit coucou à Pascal. Pascal, qui est aussi un photographe de concert et qui dit Saga ou Marillion, c'est des super groupes progressifs. Vous, justement, tes groupes progressifs que tu préfères? Alors, mes groupes que je préfère, honnêtement, moi je suis assez avec mon temps. Si tu veux, j'ai quand même des bons classiques. Dream Theater, c'est un peu une des légendes. C'est pas forcément mes préférés, mais c'est clair que j'ai un grand respect pour ces gars. J'aime beaucoup Symphonix, de la même génération. Tu vois, ça reste un de mes gros coups de cœur, un de mes grands groupes phares. Après, j'aime bien quand même les groupes qui sont aujourd'hui, quoi, qui sont actuels, comme Lip Rouge, que je trouve vraiment très novateur, ou encore Aiken. Enfin, même Pain of Salvation qui se renouvelle sans cesse. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans ce style, quoi. C'est les groupes qui se renouvellent. Et puis, d'un côté plus extrême, j'aime beaucoup aussi Periphery, tu vois, avec quelques groupes de gent avec parcimonie. Mais en tout cas, eux en particulier, j'ai un bon coup de cœur pour ces gars-là, ouais. D'accord. Revenons un peu à Stone Memories, parce que c'est le but aussi aujourd'hui de ce soir. Hein. Moi, je trouve que l'artwork, justement, tu disais un petit peu, on va chercher le paradoxe, on va chercher tous ses rêves et tout ça. Ouais. L'artwork, il est vraiment super réussi. On voit des escaliers sur la pochette. Si on monte sur les escaliers, on tourne en boucle. Ouais, c'est exactement l'idée. Ouais. Et on voit au milieu un mec qui rame, à mon avis, il peut ramer jusqu'au fin fond des temps. Voilà. Est-ce que justement, c'est pas ça, justement, l'impression de pouvoir rêver tout le temps est une opportunité pour le paradoxe, pour Stolen Memories, pour cet album, de rester dans ses rêves, dans sa bulle? Oui, c'est. Ce n'est pas forcément l'idée qu'on voulait. Nous, il y avait le thème paradoxal, c'est ce qu'on a confié en fait à Stan Decker, le graphiste qui nous a réalisé la pochette. On lui a laissé assez carte blanche, hein, il n'y avait pas trop de contraintes. On lui a évoqué l'idée du passeur d'âme, donc le fameux personnage qui rame, en fait, c'est ça, plutôt le passeur d'âme de la Grèce antique, tu vois, un peu ce genre-là. Mais voilà, sans partir dans un truc trop philosophique ou trop antique, justement, pas de la mythologie non plus, mais il y avait ce côté paradoxal, voilà, de vie après la mort, enfin, de peut-être une vie après la mort ou pas. Et du coup, ces escaliers qui tournent en rond, ça ressemble un peu au symbole de l'infini. Donc voilà, cette notion de tourner en rond, de toujours recommencer, une répétition. Et en fait, quand tu fais de la musique, un nouvel album, c'est un peu une répétition de tout, sauf que t'as des bagages en plus, c'est juste ça. C'est qu'à chaque album, tu vas avoir un nouveau bagage qui vont te permettre de faire peut-être des choses différentes, de ne pas refaire certaines erreurs, ou au contraire de te dire, tiens, on n'a jamais essayé, cette fois-ci on va l'essayer, parce que si, parce que ça, tu vois. C'est un peu ça à chaque fois, la conception d'un album, c'est une nouvelle boucle qui se met en route, quoi. Ben, heureusement d'ailleurs que vous avez chaque fois des autres bagages, parce que sinon les escaliers sont là pour le prouver. Ben on tournera en rond et on... Oui, voilà, et on aurait toujours le même album. Voilà, oui, avec peut-être des paroles différentes. On en sortirait, quoi. Voilà. Ouais, voilà, mais. Comment se passe donc tu disais il y a quelqu'un qui vient avec du matériel, vous travaillez dessus. Est-ce que vous les chansons naissent de jam en répète ou pas du tout? Chacun de son côté, on reprend le soir sa partie, on essaie de greffer des sons, des choses. Alors la composition, c'est Baptiste, le guitariste, qui gère aussi d'ailleurs tous les claviers qui sont après samplés en live. C'est lui qui fait vraiment le plus gros travail de la composition, on va dire 90% vraiment des grandes lignes. Il va même jusqu'à composer certaines lignes de chant. Après, il nous enregistre des maquettes, en fait, à la maison, il a un peu de matériel, un peu, voilà, l'essentiel pour pouvoir nous donner une idée à peu près du morceau qui, dans sa totalité, quoi. Donc, ouais. Avec une petite batterie programmée, donc déjà des claviers, un petit coup de basse, enfin bref, il se débrouille tout seul. Et nous, après, on fait des sessions de répétition où là, on travaille vraiment la mise en place. Donc là, on va peut-être changer quelques rythmes, quelques breaks qui vont être différents, pour un peu plus humaniser le tout. Parce que forcément, moi, en tant que batteur, par exemple, je vais pas jouer exactement ce qu'il a programmé. Je vais me permettre de développer ça sur mon style. Oui. Après, le chanteur, pareil, il va pouvoir se mettre... mettre sa face, chanter avec sa... Excuse-moi, c'était une moto, ça. J'ai la tête ouverte. Il va pouvoir mettre sa patte, développer ses propres lignes de chant, puis bien sûr, écrire ses textes. Moi-même, je lui ai filé un coup de main. D'ailleurs, j'ai écrit aussi deux textes sur l'album. Donc, il y a quand même un gros boulot collectif. D'accord. Après coup. C'est bien. La composition naît de Baptiste. Ça vient pas de Jam ni rien. C'est lui qui compose avant tout. C'est lui qui nous amène les morceaux. D'accord. L'album sort le 27. Je suppose qu'il va y avoir des release parties à Lyon. Vous êtes lyonnais, donc. Peut-être sur Paris, peut-être, je sais pas. Alors déjà, il y a une première date pour la sortie un peu plus tard, qui sera le 24 novembre. Warm Audio à Décines, donc c'est dans la région lyonnaise, c'est un peu notre maison, c'est là-bas qu'on répète. Ils ont aussi un studio de répétition et une grosse salle de concert, donc c'est l'endroit parfait pour se lancer et essayer de ramener un max de gens, parce que bien sûr l'album sera disponible et puis on pourra boire des coups avec les copains et faire une nouvelle rencontre, quoi. Donc ça va être un peu le point de départ, quoi, pour cet album. Et avec le point de départ, je suppose qu'il y a un clip aussi qui va accompagner l'album, peut-être un clip. Un clip, il est déjà sorti, le clip, ouais. Voilà, oui, donc. On a un clip qui s'appelle Exile. Oui. Qu'on a réalisé avec Bloquette Productions, une boîte lyonnaise. Et il est déjà sorti depuis quelques semaines sur YouTube. Faut nous suivre sur YouTube, sur Facebook. Oui. Et est-ce que tu peux un peu nous parler un petit peu de ce clip, de ce qu'il représente, peut-être pour les gens qui n'ont pas encore été voir, pour leur donner plus l'eau à la bouche et d'aller le voir éventuellement? Ouais, alors il est axé, en fait il est un peu sur deux tableaux, il y a une partie vraiment live où on nous voit jouer, avec un endroit assez stylisé, avec un beau jeu de lumière, ils ont pas mal accentué là-dessus les réalisateurs. Et une autre partie plus scénarisée, faut savoir que c'est un morceau qui traite de l'écologie, hein, c'est clairement engagé comme titre, qui nous parle un peu de la fin probable de l'écosystème, le fait que l'être humain a trop exploité la terre sur laquelle il vit et voilà, on va dire un futur pas si lointain, en tout cas dans certaines régions du monde, on voit déjà des gros excès de pollution, des gens qui arrivent plus trop à s'en sortir, à plus respirer sainement. Donc on voit cette partie scénarisée avec un enfant qui va se balader dans un monde un petit peu dévasté, un petit peu abandonné. Et puis nous, en parallèle, on nous voit jouer, donc il y a quand même l'aspect visuel assez, voilà, riche en images, riche en couleurs et en jeux de lumière, parce que bon, on veut quand même aussi pouvoir montrer un peu, voilà, nos têtes et puis nous voir jouer, quoi, parce que c'est quand même important dans un clip que... Oui. C'est bien la partie scénarisée, mais c'est bien aussi de voir les musiciens qui sont derrière la musique, quoi. On peut dire, alors, quand je t'entends parler comme ça, que Stolen Memories est aussi un groupe engagé et que vous pourriez porter éventuellement le drapeau pour justement de respecter un peu notre écosystème, notre planète. Alors là, ouais, on a pas non plus trop s'avancer en disant qu'on est à 100% engagé, ça dépend des thèmes. En tout cas, ce thème-là, oui, ce morceau-là traite tout à fait de ça. Hein. C'est un parti pris de Najin, notre chanteur, qui l'a écrit. Parce qu'il est comme un peu tout le monde, est témoin et spectateur de, je veux dire, des choses qui vont pas aujourd'hui, quoi. C'est quand même assez aberrant quand on entend des mecs comme Trump qui vont dire que non, il n'y a pas de problème, c'est une connerie. Enfin non, faut arrêter. Moi-même qui suis lyonnais, et pourtant c'est pas non plus la pire ville du monde, mais quand t'es en plein Lyon l'été et qu'il fait 40 degrés, que t'arrives pas à respirer, et pourtant tu fais 50 bornes, t'es à la campagne, déjà tu vois tout de suite la différence. Là tu te dis, il y a quand même un souci, quoi. Ouais. T'es censé être dans le même climat, et pourtant il y a vraiment, tu ressens vraiment ces variations. Donc ça devient un petit peu grave, quoi. J'imagine que, enfin, c'est même sûr, t'as des régions du monde où les mecs ils ont même pas la chance de respirer quelque chose de sain, quoi. Donc, sans vouloir être trop engagé, on va pas non plus revendiquer des choses, on va pas rentrer dans la politique, c'est pas notre but. Mais bon, je pense que comme n'importe qui sur Terre, on respire tous le même air, on a le droit aussi de gueuler et de dire, oh, il y a un problème, quoi. C'est cool, donc, quoi. C'était un peu l'idée du texte. Voilà, notre interview va toucher pratiquement à sa fin. Est-ce qu'il y a des dates, à part donc pour le 24 novembre, est-ce qu'il y a des dates, est-ce qu'on pourrait éventuellement espérer vous voir chez nous dans le Nord ou peut-être dans la Belgique? Et est-ce que vous êtes aussi en pourparler pour des festoches cet été? Alors, tout ça, c'est effectivement en pourparler. On n'a pas encore de date officielle à donner. On travaille donc avec Christophe Souza de Do It Agency. Et il s'occupe actuellement de démarcher différents festivals et autres concerts, autres bars, Paris, autour, et puis un peu partout en France, en fait, un peu partout où on pourrait être sur l'affiche de ce genre de festival, de ce genre de musique, quoi. Métal et métal progressif éventuellement. Donc c'est en cours. Dernière question, puis je te laisse. Pour quel groupe aimeriez-vous vraiment ouvrir? Ou toi peut-être, si tu ne veux pas te porter garant pour tous les membres du groupe, pour quel groupe vraiment tu te dirais, mais putain, là j'ai réussi, j'ai ouvert pour ce groupe? Ah bah, si je devais vraiment en choisir un, comme je te l'ai évoqué tout à l'heure, il y a quand même la légende Symphonix. Et là, je pense que mes confrères seraient d'accord avec moi parce qu'on est tous des gros fans. Ouais, je pense que le jour où on fait la première partie de Symphonix, déjà le fait de rencontrer ces gars, moi ça sera un rêve de gamin, hein, parce que je suis un grand fan de Jason Rulo et de Russell Allen surtout, puisque c'est le chanteur métal du moment pour moi qui est indétrônable. Donc ouais, ça serait une immense fierté et ça serait une grosse marche, on va dire, de gravier supplémentaire dans la carrière du groupe, quoi. D'accord. Ben, je vais te laisser annoncer toi-même le titre que tu as choisi pour qu'on fasse découvrir donc un extrait de Paradox. Et je vous souhaite tout le, comme on dit, bonne merde pour l'avenir. Eh ben, je t'en remercie beaucoup. Donc, maintenant, on va écouter Exile, extrait de Paradox qui sort le 27 octobre. Voilà, je te remercie beaucoup, Antoine. Ciao. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Oui. Bye. Oui. We were blind. Voilà, juste à l'instant, c'était Stolen Memories. Alors, c'était pas mal, hein, le Slasher. Excellent, franchement. Bonne interview, en plus. Moi, j'aime bien comme ça quand on peut développer plein de petites choses. Je remercie aussi d'avoir donc des réactions comme ça sur le net. Ça veut dire que vous suivez, les amis. Oui, et vous êtes chaud patate. C'est super, ça nous fait super plaisir. Restez bien connectés donc sur RQC95FM. Voilà, ou sur la page Facebook. Hein. Oui. Vous nous suivez. Donc c'était Paradox, donc The Stolen Memories, et c'était le titre Exile. On poursuit avec le groupe Disconnected avec le titre Dead Inside, et tout de suite après ce sera la Slasher Song. Voilà, donc juste à l'instant, c'était Disconnected avec Dead Inside. On en profite pour faire un petit coucou à toutes les personnes qui nous écoutent sur la bande FM 95FM, eux aussi ceux qui nous écoutent à travers le monde via le net, aussi bien du côté de Liège, du côté de Lyon, fatalement, du côté de l'Argentine, l'Espagne, l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre, et les États-Unis, et même j'en passe. Alors, Slasher, tu as choisi quoi aujourd'hui pour ta Slasher Song ? Alors aujourd'hui, je vous ai choisi un groupe qu'on a reçu l'album. Encore merci à eux. Donc c'est Chaos Crew avec leur nouvel album Return Now. Et donc, alors là, c'était un groupe d'Indus, Indus Metal. Bah, dans les membres, il y a Goran Fellman, Jonas Kullberg, Zacharias Holwick, Massey Wickman, Sven Wannas et Ulf Skog. Et donc, alors là, en fait, je vais vous dire leur position actuelle. Ils sont en studio. Leur prochain album arrive pour automne 2018. Donc... Ils sont déjà en studio. Ouais. Ils viennent de sortir un album et hop, ils rentrent en studio. Ouais. Eh ben, c'est des bosseurs. Ah bah ouais. Donc, alors là, franchement, rien à dire sur ce groupe. Donc, ils ont des influences de Pain, Rammstein, Goldfinger et plein d'autres. Et donc là, j'ai décidé de vous passer le titre End My Pride. Et c'est pour ça, à mon avis, que tu aimes alors ce groupe, parce que toi, je sais que tu es très acharné un petit peu, tout ce qui est un petit peu indus, sonorité un petit peu, on va dire, avec des claviers, des choses comme ça. Oui. Tu aimes ce genre de métal. On va pas se voiler la face, quoi. Oui. Voilà. Ok, je te laisse annoncer ton titre, mon ami. Donc alors, c'est Chaos Crew avec End My Pride. Voilà, et c'est la Slasher Song. Alors, c'est le Slasher sur RQC 95 FM, sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma Slasher Song. Voilà, donc c'était Slasher. Donc c'était Chaos Crow avec End My Pride. Voilà, donc très bon choix encore une fois de ta Slasher. Hein. Une très très bonne découverte. Voilà. Et donc tu nous as dit, là ils sont de nouveau en studio. Oui. Voilà, ils ont marqué en tout cas Activité Studio. Activité Studio. Ben voilà, ils vont revenir avec un nouvel album qui sera, je l'espère, encore meilleur que celui-là. Ouais. Toujours alors, s'améliorer. Voilà. Alors, le prochain album s'appelle Ibris. C'est le titre de l'album. Le groupe s'appelle Moebius. Et le titre qu'on va s'écouter, c'est Obsidian. C'est parti. Protect us. une bonne petite surprise. Hein. Moebius Obsidian. Voilà, voilà, voilà. Alors, on remercie aussi Ellie, Ellie Promotion, oui, qui nous a envoyé un bon petit paquet de nouveautés. Et là, on va s'écouter Smokehead avec The Dakota Firehole. C'est là, c'est tout de suite. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Slasher ? Rien à acheter dessus. Smoking Head avec The Dakota Firehole. Wow. C'est vraiment une bonne petite surprise aussi. Une bonne petite surprise aussi. Très rock'n'roll, comme on aime aussi dans Rive d'Enfer. Hein. Dans Rive d'Enfer, ouais. Ouais, donc voilà, tu rappelles un petit peu les coordonnées de Rive d'Enfer, peut-être ? Allez, je dis le mail. Ouais, vas-y, vas-y. rivedenfer.rqc@gmail.com. Voilà, on va se réveiller un petit peu avec nos Amnesty Among the Blind. L'album s'appelle Psychopathie. C'est tout un programme. Ouais. C'est tout un programme. Attempt! No Amnesty Among the Blind. Waouh, comme on dirait de T-Slasher. Juste avant de retrouver la balade crapuleuse, on va retrouver Cloax avec The Venomous Death. Oui. Et après, ce sera la balade crapuleuse. Un petit peu plus tard que 21h06, comme ça, oui. Aux alentours comme ça, de cette heure-là. We'll be right back. Cloax avec The Two Venomous Death. Pas mal, hein. Pas ouais, mal. Excellent. Voilà. Là, il est l'heure de passer à la balade. Crapuleux. Voilà. Et aujourd'hui, on a choisi un vieux morceau que vous avez tous et toutes connu. Et même, je dirais même, frondonné. Ouais. Voilà. Alors, on va s'écouter. Et puis, on vous désannoncera et on vous dira bah, qui c'est. Bah, de toute façon, vous connaissez toutes et tous. J'en suis sûr ouais. Et certain. Oh Mindy. Oh John. Ce slow est pour toi. Ce titre. Oui. C'est la balade. La balade crapuleuse. More than words, la-di-da-di-da-di-da. More Than Words. Très très très belle balade avec Extreme, extrait de l'album Porno Graffiti, petit souvenir. Et je vous l'avais dit, hein, vous l'avez tous fredonné cette balade. Donc c'était More Than Words, c'était la balade d'aujourd'hui. Allez, on redémarre avec Kid of Hearts avec A New Dimension. Ben, si tu veux savoir mon avis, Slasher, j'attends avec impatience l'album de Keep of Earth. Franchement, là, c'était A New Dimension. L'album, si dans le même acabit, il va vraiment être une bombe, quoi. Oui. Voilà. On aime surtout ce genre de zik ici, nous, dans Rives d'Enfer. Bon, on aime de tout, hein, mais je veux dire, on kiffe vraiment ce genre de choses. T'es pas d'accord avec moi ? Bah oui, c'est clair. Voilà. Alors, le prochain, même si elle n'est pas là, nous a dit, ben voilà, jouez-moi ce titre-là pour ma Sylval 5. Donc, on va le faire. Sylval a choisi Pink Cream 69, le nouveau, avec Man of Sorrow, Pink Cream 69. Avant, il y avait un chanteur qui est parti dans un autre groupe. Oui, c'est Monsieur Deris. Andy Deris, qui est parti maintenant chez... Halloween. Voilà. Et donc, Pink Cream 69 existe toujours, groupe allemand, que j'ai eu l'occasion de voir avec la formation originale, avec Andy Deris, en concert. Et ça, franchement, ça a déménagé vraiment pas mal. Allez, c'est Sylval qui a choisi cette chanson pour la Sylval Song. C'est parti! Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylval Song. He will leave through the door in which he came, bowed in shame against the blame. Oh, the fight for his innocence was strong. His unsung song was sung so wrong. And so he hides in the heart of the city, staring out the open window. He just cries as days pass by. He's not eager to greet them, but his hope's the only tonic that still dries. Pink Cream 69 avec Man of Sorrow. Bien. Hein. Excellent. Voilà, on verra ce que l'album va donner d'ici. J'espère que ça va être du très bon. Ouais. Voilà, on espère. Alors, toujours un CD que Hello Eli Promotion nous a envoyé. Hein. Il s'agit tout simplement de Roots 1942 avec l'album qui s'appelle Long Play. Et on va s'écouter Color of Reed. C'est tout de suite, c'est maintenant. Et c'est là, c'est sur RQC 95 FM. Eh bien, c'est pas mal, hein, Roots 1942, et ça, c'est, l'album, il est génial, je vous le conseille, les petits loulous, vous êtes bien branchés sur le 95 FM, avec vous jusqu'à 22h, Scream et le Slasher, voilà, encore une petite demi-heure à passer ensemble, et puis après, ce sera l'heure de nous dire au revoir, déjà, ça passe très très très vite. Malheureusement. Malheureusement, les amis, que voulez-vous? Allez, on poursuit avec Insanity Alert Pack White Satan. Ou Satan, si vous préférez. Satan, Satan, Satan, our Lord and Master, I acknowledge thee as my God and Prince. I promise to serve and obey thee as long as I shall live. I renounce the other God and all the saints. Yeah. Comme on dit des fois, une chanson courte mais efficace, hein, voilà. Oui, et c'était, c'était Insanity Alert avec Pack White Satan, le pacte avec Satan. Avec Satan. Voilà, tout simplement. Le prochain, ben, c'est Perihelion avec le titre. Alors là, excusez-moi, je vais essayer. Boliongo, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais chercher peut-être. T'as une idée, toi ? Non, pas du tout. On dirait une espèce animale, en fait. Une espèce animale. Peut-être, voilà, peut-être une espèce animale qu'on retrouvera peut-être dans le nouveau Star Wars. On n'en sait rien. Des Biliongo qui attaquent Dark Vador, pourquoi pas. Allez, c'est parti, c'est maintenant. Oh, Voilà, donc juste à l'instant, c'était Perihelion avec Beliongo. On ne sait pas donc si c'est une espèce de bête en voie de disparition, comme on disait, avec le slasher. Alors, le prochain, c'est The Walking Dead Orchestra. Le groupe Walking Dead Orchestra, l'album s'appelle Resurrect. Et on va s'écouter Resurrect the Scourge. Justement, ça nous fait plaisir parce qu'on est un peu fan, nous, de la série Walking Dead. Voilà, en plus, bon, le groupe, il n'a pas été cherché très loin, hein, Walking Dead Orchestra. Oui. Et voilà, ça nous fait super plaisir. On va s'écouter donc un extrait de cet album. Voilà, donc c'était Walking Dead Orchestra avec Resurrected the Scourge, pardon. Voilà, voilà. En plus, on aime bien Walking Dead. Voilà. Oui, le grand fan. Le grand fan du film, hein, de la série télé, bien entendu. Le prochain, c'est Anathema avec une Confessional. L'album s'appelle Possessed. Ben, on est parti carrément dans l'horreur. Après Walking Dead, on va aller chez les possédés. Ouais, voilà, un petit exorcisme. Voilà, un petit exorcisme. Ouais. Et c'est bien parti, là, c'est dans le thème. Il ne manque plus que couper la lumière. Mais si on coupe la lumière, vous ne nous verrez plus, les amis. Oui. Et je sais bien que vous aimez bien nous regarder. Voilà, vous êtes un peu des voyeurs comme ça. Hein. Vous voulez savoir à quoi on ressemble. Voilà, vous le savez maintenant à quoi on ressemble. Les animateurs de Riff d'Enfer. Voilà. Oui. Le slasher, il est là. C'est lui. Scream, c'est moi. Je tourne toujours le dos. Je suis un impoli, mais que voulez-vous. C'est comme ça. On vous remercie aussi ceux qui nous écoutent sur la bande FM, 95 FM, 95 FM. Et bien entendu, tous ceux qui nous écoutent aussi via le net. Anathema, c'est parti! Non, Athéna, pardon, okay. Anathema. Athéna, pardon, avec Confessional. Je sais pas si t'es comme moi, c'est la chambre, moi j'aime bien quand même Athéna. Oui, j'aime bien le petit truc au violon. T'aimes bien? Oui. Toi t'aimes bien aussi un peu mélodieux comme ça, t'es un petit peu petite fleur quand même, petite fleur des champs, la colchique dans les prés, fleurissent, fleurissent. Et oui, donc c'était Confessional et l'album s'appelle Possessed. Voilà, voilà. Alors encore une petite nouveauté, de toute façon il n'y a que ça pratiquement... À part généralement la balade ou alors quand c'est une slasher song ou un truc comme oui. ça. Sinon, c'est beaucoup de nouveautés. Là, l'album s'appelle Seal You. Le titre de l'album s'appelle... Enfin, le groupe s'appelle Seal You. L'album s'appelle Motel. Et on va s'écouter Western Sky, nouveauté. C'est tout frais. Vous allez retrouver que ça sur Riff d'Enfer. Voilà, j'aime bien un chant comme ça, hein. C'est pas des envolées mélodiques là. Oui. Oh, j'aime bien, c'était Seal You avec Western Sky. Oui. Il le rapproche malheureusement bientôt de se quitter, on a encore le temps de s'écouter quelques morceaux. Hein. On va s'écouter le groupe Need avec Sim Trap, je sais pas si ça te parle le groupe Need. Ça me dit quelque chose le nom. Le nom, oui, je crois que même tu les avais en concert il y a très peu de temps, Need. Si je te dis. Oui, qu'on avait vu avec Evergreen en première partie, l'excellent groupe de prog grec. Voilà. Et on va s'écouter un extrait, je vous ai dit, on va vous faire découvrir un extrait de chaque album en avançant dans la semaine, c'est le deuxième. Oui. Hein. Et on va s'écouter Sim Trap. Voilà, c'est parti. Thank you. decay. I destroyed all that I created, trying to come another way, and I pray I still pray. Très bon, hein? Excellent. Needs, groupe qu'on avait en concert, hein, première partie de Evergrey, on est resté vraiment... sur le cul. Sur le cul. Très très bon guitariste, très très bon chanteur. Très en place, ouais, tout le groupe est en place. Et voilà, et franchement, ils nous ont tenus en haleine. Ouais. Et en plus, nous, comme je disais tout à l'heure, même avec les Stolen Memories qu'on a eu en interview, d'ailleurs, on remercie Antoine de nous avoir si gentiment appelé pour faire l'interview. Merci, tout à l'heure, on est fervent de progressif, car on aime bien des musicos qui jouent. Je dis pas maintenant que les autres musicos ne savent pas jouer, loin de là, mais on aime bien des trucs un peu tordus, voilà quoi, et voilà, ça c'est notre tasse de café. Donc c'était Nice avec Symmetry Tape, là il est l'heure de se quitter, Slasher. Oui, malheureusement. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, et là on va se quitter avec Wild Witch, avec Night Roller, extrait de l'album The Offering. Ciao, ciao les amis, merci de nous avoir écoutés, et on se dit à la prochaine. Hasta la vista. Baby.